Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, la sublime Angelina Jolie. Un père assassin qui meurt subitement et tout bascule dans la vie de Wesley. Il apprend d'abord la véritable profession de son père et se retrouve lui-même engagé par l'agence criminelle à laquelle faisait partie son géniteur. J'ai connu ton père. Mon père est mort la semaine où je suis né. Ton père a été tué hier sur le toit du Metropolitan Building. Il était l'un des plus grands assassins qu'ait connu le monde. Bienvenue à la fraternité. L'arme que tu as dans la main appartenait à ton père. Il aurait pu diriger une symphonie avec ce flingue. C'est un choix, Wesley, auquel chacun de nous est confronté. Rester ordinaire, pitoyable, minable, traverser une misérable existence comme un mouton qui subit son sort, ou prendre en main sa propre destinée. En nous rejoignant, en libérant le loup qui sommeille en soi. Notre but est de maintenir la stabilité dans un monde instable. En tuer un, en sauver mille. Dans cet immense tissu qu'est le monde, chaque vie tient par un fil. Nous sommes ce fil. Une confrérie d'assassins. Les armes du destin. C'est une décision qui t'appartient maintenant. Le mouton ou le loup? Wanted, choisis ton destin. Angelina Jolie, Morgan Freeman, un DVD Paramount.